Chapitre 2e. Elle s'appelait Laure, et c'était ma cousine Germaine. Sa mère, sœur de la mienne, avait épousé à Limoges un peintre sur porcelaine, artiste distingué, mais qui, par une fatalité qui semble s'attacher à toute notre famille, vivait à grand-peine du produit de son travail. Il mourut jeune, et sa veuve, accablée de chagrin et inquiète de l'avenir, ne tarda guère à le suivre. Par testament, elle léguait à ma mère le soin d'élever sa fille. C'est le seul legs qu'elle put faire à qui que ce soit, et grâce au ciel, il ne fit pas entrer un centime dans la caisse de monsieur le receveur de l'enregistrement. Laure avait alors 16 ans, et se trouvait sans aucun appui sur la terre, si l'on excepte ma mère, qu'elle n'avait jamais vue et à qui elle venait demander un asile. Par bonheur, l'heureuse confiance de la jeunesse ne lui permit pas d'hésiter sur ce qu'elle avait à faire. Elle vendit de son mieux le médiocre mobilier qui était sa seule ressource et partit pour Paris. Est-il vrai, comme le croient beaucoup de gens, qu'un secret pressentiment, tantôt triste et tantôt joyeux, nous avertisse d'avance de tous les événements heureux ou malheureux qui doivent remplir notre vie? Mais alors pourquoi, à l'heure même où j'écris ces souvenirs et où je me prépare à mourir, ai-je l'esprit si libre et presque lumineux, au lieu d'être assombri, comme je le craignais, par l'approche des ombres de la mort? Serait-ce que la mort n'est qu'un passage à une meilleure destinée, et que je ressens déjà un avant-goût de la sérénité des cieux nouveaux où je vais entrer? À coup sûr, le matin du jour où Laure arriva, j'éprouvais quelque chose d'extraordinaire. J'étais si loin de m'attendre à la voir que je connaissais à peine son existence. Ma mère m'avait parlé quelquefois de sa sœur, mais elle ne l'avait pas revue depuis 15 ans, et la vie errante qu'elle avait longtemps menée avec mon père l'empêchait d'écrire et de recevoir régulièrement des lettres. Cependant, mon cœur débordait de joie, comme si j'avais reçu la nouvelle du monde la plus agréable. J'attendais justement alors le résultat des démarches que mon professeur de philosophie, qui me connaissait et m'aimait particulièrement, avait promis de faire pour me procurer un traitement qui pût faire vivre toute ma famille. Il devait parler de moi à un métaphysicien célèbre qui préparait un grand ouvrage sur l'origine et les croyances des peuples sémitiques et qui, naturellement, comptait bien borner ses recherches à un résumé des commentateurs allemands. Mais encore fallait-il connaître l'allemand, car les traductions sont rares et c'est au rôle modeste de secrétaire et de traducteur du grand homme que devaient se borner mes fonctions. 8 heures de travail assidu et 1200 francs par an, voilà l'offre qui m'était faite. Encore, le grand homme étant allé passer la belle saison dans le château d'un banquier de ses amis, j'attendais impatiemment son retour pour conclure avec lui cette brillante affaire. Quoique fort contrarié de ce retard, car l'argent manquait à la maison, je me promenais dans le jardin du Luxembourg avec un air de satisfaction et un contentement intérieur qui rayonnait sur ma figure et faisait presque retourner les passants. L'avenir me paraissait assuré, comme si je n'avais dû attendre de la Providence que santé, honneur, gloire et richesse. « Je vais, me disais-je, travailler sous la direction de ce grand homme et mériter son amitié. Quand il aura publié son livre, qui ne peut manquer de faire sensation, d'avance 30 ou 40 journaux l'ont proclamé chef-d'œuvre, et la première ligne n'est pas encore écrite. Donc, quand il aura publié son livre, une petite part de gloire, si petite qu'on veuille la faire, ne peut pas manquer de rejaillir sur le secrétaire modeste qui aura traduit, résumé, réuni, coordonné toutes les parties de ce bel ouvrage où le grand homme doit se borner à répandre les fleurs de son style admirable. Le moins qu'il puisse faire pour moi, c'est de me recommander aux éditeurs et de me fournir les moyens d'arriver moi aussi à la gloire, au succès, à l'Institut, au Collège de France et à 4 ou 5 places bien payées par le budget. En tout cas, si le grand homme me néglige et si les éditeurs me ferment leurs portes, il me restera toujours la ressource d'étudier la langue chinoise, qui n'est pas encore très familière au peuple français, et de remplacer, supplanter ou poignarder M. Stanislas Julien afin de prendre sa place, sa gloire et ses appointements. Grâce au ciel, les concurrents pour la chaire de chinois sont encore très rares à Paris, et à défaut du chinois, je pourrais me jeter sur l'arménien, le turc, l'hindoustani, le mandingue et le guarani, ou ce qui serait plus facile encore, sur l'étude comparée des langues de l'Afrique avec celles de l'Asie. C'est là qu'on peut parler longtemps et impunément, sans craindre les interruptions et les murmures de l'auditoire. Parle chinois, me disais-je encore, je pourrais facilement assurer le sort de ma mère et même celui de ma sœur Henriette, car le bon Caius Schweitzer ne me paraît pas de force à se tirer d'embarras lui-même si je ne lui donne pas un vigoureux coup d'épaule. Tout en roulant ses ambitieuses pensées, je rentrai à la maison. Nous demeurions dans un petit appartement de la rue Racine, alors nouvellement construite, et qui faisait le principal ornement du quartier latin. On n'avait pas encore imaginé de démolir la moitié de ce quartier pour y tracer le boulevard Sébastopol et le boulevard Saint-Germain. Deux chambres, une cuisine et une salle à manger formaient tout notre logement. Les meubles étaient en noyer. Le soleil entrait par toutes les fenêtres, et quoiqu'il n'y eût pas 10 francs dans le secrétaire, nous ne portions pas envie à la Banque de France et à ses directeurs. Je montai l'escalier en fredonnant un air du Domino Noir, ce chef-d'œuvre du plus spirituel des musiciens de France. Ma mère vint m'ouvrir la porte et me dit « Entre vite, ta sœur est arrivée. » Il faut vous dire qu'Henriette était mariée depuis 5 mois avec Caius Schweitzer et que les deux nouveaux époux étaient allés faire un voyage sur les bords du Rhin pendant l'été. C'est là que Caius devait donner des concerts. Il avait déjà écrit pour énumérer les croix, les tabatières et les autres marques d'estime que lui valaient de la part du roi de Bavière, du grand-duc de Bade et du duc de Darmstadt son incomparable talent de corniste. Malheureusement, l'état alors ne pleuvait pas en même temps que les décorations. Je crus donc de bonne foi que ma sœur et son mari, rassasiés de gloire, étaient revenus à Paris. « Où est-elle ? » demandai-je avec empressement. « Dans ta chambre. » répondit ma mère qui souriait sous cap. J'ouvris la porte pour m'élancer dans les bras d'Henriette et je me trouvai face à face avec une jeune fille vêtue de deuil que je n'avais jamais vue et qui serrait du linge dans ma propre commode après en avoir ôté celui qui la garnissait. « Ma chère Laure, dit ma mère en me poussant vers elle, voilà ton frère. » Laure se retourna, s'avança gracieusement vers moi, m'offrit en souriant ses deux joues que je baisais sans savoir ce que je faisais, tant j'étais surpris de la nouveauté de l'aventure, et ne parut pas plus embarrassé de ma présence que si nous eussions passé 10 ans l'un près de l'autre et la main dans la main. « Maintenant, ajouta ma mère en interrompant un compliment très entortillé dans lequel je menaçais de me perdre, la présentation est faite. Gaston Phoebus, donne la main alors et allons dîner. » Je ne sais pas si le dîner était meilleur qu'à l'ordinaire ou si le vin était plus généreux, ou si les yeux bleus de ma cousine, vous ai-je dit qu'elle avait les cheveux noirs et les yeux bleus, association presque divine, m'avait déjà tourné la tête et délié la langue, mais je pris la parole au potage pour ne la quitter qu'au dessert. Là, pourtant, il fallut s'arrêter et prendre haleine un instant, dont ma mère profita pour me raconter par suite de quel triste événement Laure avait été forcée de chercher un asile chez nous. Maintenant, ajouta-t-elle en riant, puisque ma famille devient plus nombreuse, il faut fonder une colonie dans le voisinage. C'est toi, Gaston Phoebus, qui seras obligé de nous quitter. Mais, interrompit Laure, je ne veux pas, ma chère mère, causer un tel dérangement chez vous. Et plutôt que de déranger Monsieur Gaston Phoebus, j'aimerais mieux... Mais ma chère enfant, dit ma mère, puisque tu es ma fille, il faut m'obéir et ne pas répliquer. Et d'abord, quitte ce ton cérémonieux et ne dis plus Monsieur Gaston Phoebus, ce qui me ferait croire que tu veux parler de l'empereur de la Chine ou du souverain des îles inconnues. Gaston Phoebus est plus que ton cousin, il est dès aujourd'hui ton frère et mieux que cela, ton protecteur et le chef de la famille. Il doit t'aimer, te servir, te défendre, te distraire même quand tu seras triste ou ennuyé. Et si je sais bien lire dans ses yeux, ce rôle ne lui sera pas trop désagréable. Ne suis-je pas trop heureux, dis-je alors, de trouver une sœur si aimable et si belle pour remplacer celle que Caius Schweitzer m'a enlevée. « c'est bien, dit ma mère, ne prends pas feu si vite. Laure n'a pas besoin de tes compliments pour savoir qu'elle est belle. Et il s'agit entre nous de choses plus sérieuses. Dès ce soir, tu vas quitter ce logis. »« Quoi, déjà ? » dis-je d'un air triste. « Rassure-toi, continua ma mère, tu n'iras pas bien loin. » Je viens de louer pour toi une chambre sous les toits au 5e dans la maison. C'est une mansarde fort jolie, car le soleil entre par une fenêtre assez étroite et tu pourras marcher de plein pied sur les toits du voisinage. Toi, ma chère Laure, tu vas prendre sa place. Gaston Phoebus vivra du reste avec nous, et je compte bien qu'il nous mènera le soir à la promenade jusqu'à l'entrée de l'hiver. C'est convenu, n'est-ce pas ? Eh bien, cher ami, monte dans ta mansarde, tes livres y sont déjà. Moi, je veux causer avec cet enfant. D'ailleurs, elle est fatiguée du voyage. Elle a passé 24 heures en diligence et en wagon. Il est temps qu'elle dorme. Bonsoir, Gaston Phoebus. Va rêver aux étoiles. C'est le plus grand plaisir de la vie, celui qui coûte le moins cher et qu'on peut le mieux te donner à ton âge. » Là-dessus, elle m'embrassa 2 ou 3 fois, suivant sa coutume, et me poussa dehors par les épaules. Ce qui est étrange, c'est que j'avais moi-même grande envie d'être seul pour réfléchir sur mes propres impressions et que je sortis presque avec plaisir. Cependant, je n'allais pas bien loin. Je gravis 4 à 4 les marches de l'escalier et je me hâtai d'ouvrir la porte de la mansarde dont j'étais devenu le locataire d'une manière si imprévue. Ma chambre était un peu au perché, je l'avoue, mais meublée et arrangée suivant mon goût et ma fantaisie. Outre une foule de brimborions élégants ou précieux dont son appartement était rempli, et qui étaient comme les derniers souvenirs de son ancienne fortune, ma pauvre mère avait soin d'y entasser tous les objets qui pouvaient être à mon usage. Au premier rang figurait le sabre de mon père, qui s'était ébréché sur la tête d'un émir afghan dans je ne sais quel combat, aux environs d'Herat ou de Kandahar. À un clou voisin était accrochée sa pipe, une pipe admirable, présent du Shah de Perse. À droite de la fenêtre était un portrait de George Sand en habit d'homme. À gauche, sur une étagère, 3 ou 4 statuettes de Pradier, représentant de jeunes demoiselles dans le costume d'Ève avant le péché. Tout cela, je dois le dire, n'était pas du goût de ma mère, mais elle aurait cru commettre une impiété en m'empêchant de satisfaire la moindre de mes fantaisies. Or, Pradier était à la mode en ce temps-là. Et il n'est pas un étudiant qui ne crût comprendre les parties les plus sublimes de l'art en mettant sur sa cheminée quelqu'une de ses gracieuses nudités. Un peu plus loin étaient quelques vieilles gravures de Poussin et de Claude Lorrain, et à côté de ces gravures, ma bibliothèque, la partie la plus précieuse de mon mobilier. C'est là que les œuvres des musiciens, des poètes et des philosophes étaient entremêlées dans un parfait désordre. Beethoven y coudoyait Homère et la Bible. Mozart avait sa place entre Racine et Shakespeare, Boieldieu et Rossini entre Voltaire et Chateaubriand. En face de la fenêtre était mon lit, et au pied du lit un fauteuil rembourré de paille, une table en bois blanc et une chaise. Je n'avais pas lieu de me plaindre. Ma chambre, assez étroite mais très longue, me permettait la promenade. Mon premier soin en prenant possession de ma mansarde fut d'ouvrir la fenêtre et de regarder le ciel. Je dis le ciel car les voisins étaient trop au-dessous de moi pour que je puisse les voir commodément. Mais je n'étais pas curieux, et si l'on excepte la fille d'un menuisier, de qui j'avais déjà reçu quelques agaceries, je ne me souciais guère des autres habitants de la rue. Ce soir-là, du reste, suivant la prédiction et les encouragements de ma mère, je m'assis dans mon fauteuil et je me mis à contempler les étoiles. C'est la bonne manière de suivre doucement, et en rêvant, la pensée qui vous est chère. Naturellement, la première pensée qui me vint à l'esprit ce jour-là fut que j'avais acquis une bien jolie cousine et qu'il me serait doux de passer ma vie près d'elle. Je cherchais à me rappeler ses yeux, si profonds et si doux, sa bouche gracieuse, son fin sourire, le son de sa voix, qui était si pénétrante et si suave, et je conclus, en peu de minutes, que je n'avais jamais vu sur la terre une créature aussi idéale et que mon devoir était de me faire tuer pour elle, à la première occasion qui pourrait se présenter. À vrai dire, ce que j'éprouvais surtout était un sentiment de bien-être et de sérénité extraordinaire, un besoin d'aimer Laure et de me dévouer à elle et de lui rapporter toutes mes pensées. Il me semblait que j'aurais eu du bonheur à me battre pour elle, à me jeter au milieu d'un incendie, à braver la mitraille et les épées, à défier tout l'univers en son nom et sous ses yeux. C'est le commencement ordinaire de l'amour dans les cœurs novices. Hélas, quelle en est la fin ? Le résultat de tous ces beaux rêves fut, comme on doit s'y attendre, une belle pièce de poésie imitée des élégies d'André Chénier. 130 vers, pas un de plus, pas un de moins, furent consacrés à chanter les grâces et les vertus de Laure. Ah, si j'avais pu prévoir l'avenir ! Puis, comme l'eau blanchissante faisait fuir les étoiles et m'avertissait de l'approche du soleil, je me déshabillais en un clin d'œil, je me couchais et je dormis d'un profond sommeil jusqu'à 10 heures du matin. À ce moment, ma mère, étonnée de ne pas me voir paraître, monta dans ma mansarde, tourna sans bruit la clé que j'avais laissée dans la serrure et vit sur ma table un papier tout barbouillé de ratures. C'était ma poésie. Elle s'assit, lut tout bas d'abord, puis tout haut les premiers vers, et en ouvrant les yeux et les oreilles, j'eus le plaisir, était-ce bien un plaisir, de reconnaître que mon génie poétique ne pouvait pas rester secret plus longtemps. Certes, quoique je n'eusse rien de caché pour ma mère, j'aurais donné beaucoup de choses pour que le maudit papier fût brûlé, ou noyé dans l'océan, ou déchiré en 1000 morceaux. Je refermai les yeux avec affectation et je feignis de dormir, mais ma mère ne voulait pas lâcher prise. « Eh bien, » dit-elle en s'approchant de mon lit, « voilà de très jolis vers. Je ne m'étonne pas si tu dors encore à 10 heures du matin. Allons, Gaston Phoebus, ne fais pas la sourde oreille. Tes vers sont très jolis, je t'assure. Et après tout, il n'y a pas de mal à faire des vers pour l'or. Tu en feras peut-être pour des dames qui ne la valent pas. Seulement, je te conseille de faire attention à tes rimes. Elles ne sont pas toutes de la même qualité. L'or, par exemple, ne va pas très bien avec sycomore, ni rive avec captive. Mais pour un début, ce n'est pas mauvais. Est-ce vraiment un début ? » Je fis signe sans parler que c'était en effet un début. « Ah ! » continua ma mère, « tu m'étonnes. Je croyais que mademoiselle Sylvie, la fille du menuisier d'en face, avait déjà vu de tes rimes. Je me trompais ? C'était de la prose ? Non ? Ce n'était rien du tout ? Allons, tant mieux. Mais il me semble que j'avais vu certains soirs de ma fenêtre glisser certains billets dans la main de certaines demoiselles. C'était la vérité, mais je n'en voulus pas convenir, et je niais hardiment m'être jamais soucié de Sylvie ou de toute autre fille de menuisier, de charpentier ou de peintre en bâtiment. « C'est bon, » interrompit ma mère, « je te crois. D'ailleurs, c'est ton devoir de le dire, quand même ta correspondance avec mademoiselle Sylvie serait aussi volumineuse et aussi prolixe que la somme de saint Thomas d'Aquin. Maintenant, mon cher enfant, c'est beaucoup d'honneur que tu fais alors en écrivant pour elle une si belle pièce de poésie. Mais si tu devais continuer ton poème, ma tâche de mère deviendrait trop difficile, et je serais forcé de me séparer de l'or ou de toi. Or, comme l'or est parfaitement innocente de tes folies, je ne veux pas être obligé de choisir entre vous. C'est pourquoi tu vas déchirer tes vers, ou mieux, car il ne faut pas décourager les poètes, tu vas les cacher au fond de ton tiroir jusqu'à ce que tu puisses en trouver l'emploi au dehors, ce qui ne tardera pas, je te le garantis. Puis tu vas descendre avec moi. Tu embrasseras l'or très raisonnablement et très fraternellement sur les deux joues. Tu la tutoieras dès le premier mot, tu la regarderas déjeuner, marcher, parler, s'occuper du ménage comme une personne naturelle, et tu seras bien vite guéri de faire des vers en son honneur. Gaston Phoebus, mon ami, ferme ta porte avec soin et descendons. » Pendant cette courte et indulgente réprimande, je m'étais habillé. Je la suivis et j'exécutais ses ordres de point en point. L'or me reçut fort bien, et dans ses yeux, d'un bleu profond et tranquille, je pus lire aisément qu'elle avait passé une très bonne nuit, qu'elle avait dormi à merveille, et qu'elle n'avait pas songé un seul instant à faire des vers en mon honneur. Dès les premiers moments, elle prit sa part des soins du ménage, comme si elle n'avait jamais fait autre chose. Quoique très simplement vêtue, elle avait dans la démarche et dans la physionomie ce charme indescriptible auquel on reconnaît la femme qui peut porter avec la même grâce et la même dignité les habits d'une reine ou ceux d'une paysanne. Son père, artiste de grand mérite, qui avait passé toute sa vie à lutter contre la mauvaise fortune, avait pris soin de lui enseigner les premiers éléments de son art et la musique, étant bon musicien lui-même. Mais il était mort trop tôt pour achever son œuvre, et si Laure, orpheline à 16 ans, connaissait assez de musique et de peinture pour vivre de son travail, sa science, assez courte d'ailleurs en toute chose, lui venait d'un heureux instinct plutôt que de l'éducation. C'est ce que ma mère avait très vite reconnu dès la veille. « Ma chère enfant, dit-elle après le déjeuner, tu as besoin d'étudier encore, et c'est Gaston Phoebus qui sera ton professeur. Ne va pas croire pourtant que Gaston Phoebus soit un grand clerc parce qu'il a obtenu au mois d'août dernier le prix d'honneur de philosophie au concours général. Non, c'est un garçon studieux et qui n'est pas encore pédant. C'est déjà beaucoup. Pour toi, ma chère enfant, il n'y a pas de parti à prendre. Tu es trop jeune pour donner des leçons de musique et courir le cachet comme un professeur. De peindre sur porcelaine comme faisait ton père, cela pourra venir. Mais il faut patienter en attendant qu'on te donne du travail. Quant à coudre et à broder, c'est un métier qui ne nourrit personne et tu aurais usé tes yeux avant 2 ans. Or, des yeux comme les tiens méritent qu'on les respecte. Je ne vois donc qu'un seul parti à prendre. Ici, ma mère fut interrompue par un coup de sonnette. J'allais ouvrir la porte et je me trouvais en face de la portière, une brave femme curieuse, bavarde, indiscrète, qui brûlait de connaître toutes les affaires de ses locataires et qu'avait intrigué la brusque arrivée de Laure. « Pardon, excuse, madame, si je vous dérange, » dit-elle. « C'est une lettre qui vous arrive, et comme le facteur m'a dit qu'elle était pressée, j'ai voulu vous l'apporter à vous-même. » Cette explication n'était pas inutile, car madame Bernardin n'était pas femme à porter les lettres de ses locataires, excepté dans les plus graves circonstances. Mais l'arrivée de Laure était à coup sûr une de ces circonstances graves. « Et à quel signe le facteur a-t-il vu que la lettre était pressée ?» demanda ma mère en riant. « Est-ce que je sais, moi ?» répondit la portière embarrassée. « C'est monsieur le directeur de la poste qui le lui aura dit, bien sûr. Mais, madame, ajouta-t-elle, est-ce que cette belle demoiselle que je vois ici ne veut pas me donner son nom, si par hasard elle avait des lettres à recevoir ?»« Ne vous inquiétez pas, madame Bernardin, » dit ma mère, « si ma nièce reçoit des lettres, c'est à moi qu'elles seront adressées. » « Ah, c'est différent, » dit alors la portière, « puisque mademoiselle est votre nièce. »« Bonjour, madame, bonjour, mademoiselle. » Et elle sortit à demi satisfaite. Elle ne connaissait pas le nom de Laure, mais du moins, elle savait que Laure était nièce de quelqu'un. C'est déjà beaucoup. La lettre était de mon professeur. La voici, car je l'ai conservée. « Madame, » Gaston Phoebus peut se présenter quand il voudra, chez M. Plotin. Plotin était le nom du grand homme auquel il m'avait recommandé. Il sera bien reçu. M. Plotin est arrivé hier au soir de la campagne. Il a trouvé chez son portier ma carte et celle de Gaston Phoebus. C'est une affaire convenue. M. Plotin attendra Gaston Phoebus entre 2 heures et 2 heures un quart. Avant ce temps, il travaille. Après, il va à l'Institut. Que Gaston Phoebus ne manque pas cette occasion unique d'apprendre à travailler sous la direction de l'un des plus grands esprits de ce siècle et peut-être de tous les siècles. Surtout qu'il soit modeste, qu'il parle peu. Monsieur Plotin est éloquent et parlera pour 2. Gaston Phoebus n'a besoin que de répondre aux questions. Agréez, je vous prie, madame, les vœux que fait pour votre bonheur et pour celui de votre fils, le plus dévoué de vos amis, C.H. Aubaret, professeur de philosophie au collège. Eh bien, mes chers enfants, dit ma mère en repliant sa lettre, l'avenir est à nous, et un brillant avenir, je l'espère. La pension de retraite qu'on me fait est de 1500 francs. Gaston Phoebus en aura 1200. C'est 2 700 francs de rente que nous avons entre nous trois. Combien de gens voudraient en avoir autant? Mais ma mère, interrompit Laure timidement, il me reste à moi 700 francs. De rente? Non, de capital. Bien, dit ma mère, garde-les avec soin, cela pourra te servir plus tard. Et toi, Gaston Phoebus, viens ici que je refasse le nœud de ta cravate. Prends ton chapeau et cours chez M. Plotin. Tu n'as plus que 10 minutes jusqu'à 2 heures.